Chapitre 4. Depuis, presque tous les jeudis après-midi, la belle Camille et Maxime se racontent mutuellement leur vie. Ils s'assoient près du vieux moulin, leur regard se perd de loin sur le village et le dos de la Trévarèse du côté de Kazan ou dans la plaine Mercoudou. Des fois, quelques moutons leur tiennent compagnie. Leurs échanges vont bien plus loin que le factuel. Ils abordent leurs sentiments, leurs espoirs, leurs peines. Maxime a enfin trouvé un sens à son existence. Bien qu'intelligent, il vivait jusque-là comme un animal doué de paroles, certes, mais qu'il n'utilisait que rarement. Il ne se doutait pas qu'il pouvait être capable d'autant parler, surtout à propos de lui-même. Les deux amis se comprennent parfaitement, comme s'ils s'étaient toujours connus, et ils ont tous deux l'impression d'avoir le même âge. Maxime attend avec impatience le jeudi, comme quand il était enfant. Sa mère et son frère se demandent où il va, mais n'osent pas lui poser de questions. De toute façon, c'est son jardin secret, son trésor, sa vie, et pour rien au monde, il le mettrait en danger. À chaque fois, ils se quittent à regret et sentent que ces rencontres leur donnent de la force pour affronter la monotonie de la vie. Maxime a ainsi appris que Camille, qui lui dit tout, était quelquefois battue par ses parents. Une rage sourde l'a alors envahi. Il sait aussi qu'il arrive à Camille de dormir avec son père quand sa mère refuse de partager la couche conjugale. Maxime a eu envie de vomir quand il a appris cela, tellement son écœurement était grand. Lui qui n'ose même pas toucher un cheveu de Camille, tellement elle lui semble fragile et belle. Porter la main sur elle est un sacrilège au sens premier du terme. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, mais pour l'instant il ne sait quoi. Au fil des jeudis, Maxime veille à ce que Camille travaille bien à l'école. Il lui fait souvent réciter ses leçons. Il l'exhorte aussi à moins de bavardage, car la fillette est souvent punie à cause de sa langue trop bien pendue. Tu sais, quand ma grand-mère était vivante, eh ben, c'était comme avec toi. Lui dit Camille, on se parlait tout le temps. Tu veux dire que je ferais une bonne grand-mère? S'exclame Maxime en riant. Mais dis-moi, et ta mère, tu ne lui parles jamais? Tu ne lui dis pas que tu es malheureuse? Oh, tu sais, ma mère, elle m'aime, mais à sa façon. Elle veut à tout prix que je devienne maîtresse d'école. Une fois, elle m'a dit qu'elle avait eu un grand malheur dans sa vie, et elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse, et qu'elle ferait tout pour que je ne termine pas comme elle. Elle me tape. Mais comme dit le curé, c'est pour mon bien. Maxime ne sait quoi penser. Il ne voit pas non plus quelle attitude adopter vis-à-vis de Camille. Doit-il simplement l'écouter ou la conseiller ou lui dicter carrément sa conduite? Et quel titre peut-il s'octroyer le droit de le faire? Comment et à qui s'ouvrir de cette amitié particulière sans provoquer la suspicion ou le scandale? Il n'a personne à qui faire confiance. Il lui faut quelqu'un d'éclairé qui pourra le comprendre et le conseiller pour venir en aide à Camille. Ce vendredi, c'est jour de marché. Comme il l'avait projeté, Adrien Brossard a décidé de se rendre à la mairie pour demander un emploi, car pour l'instant, il n'a aucun moyen d'existence. Il affronte les premiers regards des lambesquins et n'hésite pas à les défier. Il se laisse dévisager comme pour bien montrer qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il a gagné le droit d'être de nouveau considéré comme un citoyen à part entière. Il a passé une nuit agitée, habitué qu'il est à ne dormir que d'un œil et à somnoler la plupart du temps. Il a entendu la respiration régulière de Mireille dans la chambre voisine, et sa présence non loin de lui l'a rassuré. Devant le maire, il est prêt à ne pas courber l'échine, et pourtant, il va lui être difficile de se défaire de l'humilité apprise pendant 4 ans à coups de nerf de bœuf. Maxime Agniel est venu en fin de matinée acheter des graines. Dans ce marché, les étals de légumes sont clairsemés, la plupart des habitants ayant un petit jardin ou étant eux-mêmes maraîchers. Les ménagères y viennent surtout pour les colporteurs, qui n'ont content de vendre des babioles ou des dentelles, colportent aussi, méritant bien leur nom, les nouvelles et les ragots de toute la contrée. Vous savez, la toune, elle est morte, peu chère. Celle de Coudou, qu'elle était partie une fois avec un curé. Ouais, c'est un camion qui l'a écrasée, dites. En pleine nuit, elle traversait la route en revenant de chez son amant. Et qu'est-ce que vous en savez? C'est pas elle qui a pu vous le dire. D'où elle venait? Quelle angasse de vipère vous faites! Je n'invente rien, madame Chiche. Ça se sait, ces choses-là. Au détour d'une allée, Maxime tombe nez à nez avec Camille, qu'une femme assez jeune tient par la main. Le couple qu'elle forme vous réconcilie avec l'harmonie de la nature et le génie de la création. Avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, Camille lui sourit et dit à la jeune femme qui l'accompagne: maîtresse, c'est mon ami Maxime. Dites-lui comme je travaille bien à l'école. La femme lâche la main de Camille pour la tendre à Maxime qui la serre timidement. « Bonjour, monsieur. Alors c'est vous, Maxime. Camille me parle quelquefois de vous. Elle m'a dit que vous lui faisiez réciter ses leçons, c'est bien? Vous savez, je fais ce que je peux. J'ai mon certificat d'études et c'est tout. Ce n'est déjà pas si mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, par ici. En tout cas, elle est beaucoup plus sage qu'avant et elle a encore fait des progrès. C'est la meilleure élève de ma classe et pourtant, elle a du mérite. Madame Kuntz regarde Camille avec un sourire. « Ah oui, elle a du mérite ?» dit Maxime. « Il m'a semblé pourtant qu'elle avait des facilités. »« Oui, elle est douée, mais je veux dire que ce n'est pas toujours facile pour elle de travailler, la pauvre chatte. Vous devez le savoir, non ?» Maxime vient de comprendre soudain ce à quoi la maîtresse fait allusion. Cette jolie femme au regard doux semble être gentille et réfléchie. La voilà enfin celle qui peut l'aider. Elle aime Camille et paraît déjà au courant de certaines choses. Tant pis, il ne peut plus garder pour lui seul ce fardeau, il faut qu'il se jette à l'eau. Maxime a l'air tout à coup extrêmement sérieux en dévisageant Madame Kuntz. Quand pourrais-je venir vous voir, madame, au sujet de Camille? Madame Kuntz le regarde droit dans les yeux. Elle a visiblement l'air très intriguée de la demande de Maxime. Le soir, après la classe, ça ne pose pas de problème, lui dit-elle gravement. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Maxime? Demande Camille anxieuse. Ne t'inquiète pas, ma Camille, c'est pour ton bien, évidemment. Le soir même, Maxime attend que la nuit soit tombée pour rendre visite à l'institutrice dans son logement de fonction rue Kléber et non à l'école, pour éviter les rencontres compromettantes et les médisances. Madame Kuntz habite au premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée est occupé par une remise où la mairie entrepose le matériel électoral. Madame Kuntz a laissé son logement de fonction au-dessus des classes à une collègue, veuve et mère de 3 enfants. Devant son geste de solidarité, le maire a attribué à Madame Kuntz ce petit appartement d'ordinaire occupé par un employé municipal. La porte d'entrée sur la rue est légèrement entrebâillée. Maxime la pousse et prend l'escalier. Le palier, éclairé par une fenêtre, dessert 2 portes. Dans la faible clarté, Maxime repère une carte de visite punaisée sur une des 2 portes. Il se rapproche, un ray de lumière et une musique lui indiquent qu'il ne s'est pas trompé. Il frappe doucement. Madame Kuntz apparaît dans l'encadrement et lui sourit avec grâce. « Entrez, monsieur Maxime, entrez, je vous en prie. »« Je ne vous dérange pas, au moins. » « Non, pas le moins du monde. Je jouais du violon. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez, ce n'est pas si souvent que je reçois des visites. Vous prendrez bien un petit verre de vin de noix, c'est de ma fabrication. » Madame Kuhn sort 2 verres du buffet et 1 bouteille. Maxime en profite pour la détailler. Vêtue d'un chemisier gris souris, elle a la taille bien prise dans une jupe noire. Son corps, encore jeune et tonique, aux proportions exquises, évolue avec grâce. Le bas de la jupe laisse apparaître les chevilles qui suggèrent la pureté de ligne des jambes. Elle s'assoit en face de Maxime. Celui-ci, selon son habitude, joint ses mains et les appuie sur ses lèvres pour contempler Madame Kuntz. J'ai repris le violon que j'avais étudié dans ma jeunesse. C'est mon oncle Isaac qui m'en avait appris les bases. Ses cheveux aux burnes sont coiffés en chignon d'où s'échappent 2 mèches folles de chaque côté du visage, lui donnant un air un peu espagnol. 2 yeux magnifiques, d'un vert très pâle, presque blanc, éclairent son visage mat aux traits réguliers. Lorsqu'elle parle, seules ses jolies lèvres charnues bougent, concentrant le regard sur sa bouche. Maxime éprouve la même impression de chaleur rassurante qu'avec Camille. Il se sent en confiance avec cette jolie femme au visage envoûtant. « Alors, Maxime, vous ne dites rien ?» s'étonne Madame Kuntz. « Oui, il est très bon, ce vin de noix. » Un léger sourire éclaire le visage de la jeune femme. En penchant gracieusement la tête sur le côté, elle lui dit « Non, je voulais parler du but de votre visite. » Décidément, elle a d'aussi beaux yeux que Camille. « C'est difficile, » commence Maxime. « Je sais que Camille est souvent battue par sa mère. J'ai remarqué des marques sur ses bras et ses jambes. Je suis persuadé qu'elle ne me ment pas quand elle me dit qu'on la bat. Oui, j'ai remarqué moi aussi ces marques, mais Camille n'a rien voulu m'avouer. Je pense que sa mère, assez jeune, doit être jalouse d'elle. » Camille est très intelligente, très belle, toute chose que peut envier une femme, même si c'est une mère. Cette gamine capte naturellement l'attention. Je crois que ça doit agacer Madame Bréau. En plus, sur le plan conjugal, je crois que ça ne marche pas très fort non plus dans le ménage. Madame Kuntz s'exprime lentement, d'une voix douce et légèrement voilée mais ferme. Nul doute que son regard et son ton de voix doivent fasciner les élèves. Mais Maxime, vous n'avez jusqu'ici eu aucune discussion avec les parents ? Les parents ne me connaissent pas. Nos relations sont un secret entre Camille et moi. Mais pourquoi ? S'étonne Madame Kuntz. Comment voulez-vous expliquer une relation entre un homme et une fillette ? Je ne suis ni son parrain, ni son oncle, ni même son voisin. On s'est rencontrés dans la garrigue, on a parlé ensemble et depuis, on se voit toutes les semaines. Les gens s'imagineraient tout autre chose. » Madame Kunz prend un air grave. « Pourtant Camille m'a parlé de vous. Pour elle, ça n'a pas l'air d'être un secret. » « C'est une enfant, elle ne se rend pas compte des risques de scandale, » rétorque Maxime. « Et puis je sais qu'elle a en vous une confiance aveugle. » Après un silence, Marceline Kunz murmure, comme pour ne pas effaroucher un aveu possible, « Vous l'aimez ?» Maxime se lève, embarrassé par la question. « Oui, je l'aime, mais pas comme vous le croyez. C'est un peu l'enfant que je n'ai pas eu. J'ai toujours l'impression qu'elle est sortie de moi, comme si j'en avais accouché, » dit Maxime avec un petit rire. « C'est idiot, non ?» Non, ce n'est pas idiot. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. J'ai moi-même eu un mari et un fils, et je sais que je n'aimais pas mon mari et mon fils de la même manière. Il y a l'amour éros et l'amour agapé. Je vous expliquerai une fois. Vous avez divorcé ? Marceline baisse la tête et arrange les plis de sa jupe. Non, ils sont morts tous les deux à la pêche en mer. Je n'ai pas pu supporter de rester à Marseille, et je suis venu m'enterrer ici. Mon Dieu, que la vie est mal faite ! Se désole Maxime. C'est vrai qu'on peut considérer qu'ici on est un peu comme au cimetière. Oh, quel pessimisme! La vie n'est ni bien ni mal faite, c'est la vie. Il faut savoir faire avec et profiter de ce qu'elle nous apporte de bon. Encore un peu de vin de noix? Non merci, je n'ai pas l'habitude de boire. Ça me fait du bien de parler avec vous. C'est comme quand nous parlons avec Camille. Alors je vais devenir votre amie, comme Camille? Dit Marceline avec un joli sourire. Je pense oui. « Mais ça ne sera pas comme avec Camille. »« Non, pas comme avec Camille. »« Ce serait autrement, » murmure Maxime. « Ce serait plutôt l'amour éros, comme vous dites. »« Ah, je vois que vous avez compris la différence, » murmure Madame Kunz. Maxime baisse les yeux et se rasseoir face de Marceline. Gênés, tous deux se taisent. Marceline Kunz scrute les yeux de Maxime pour découvrir le mystère qui se cache dans ce noir abîme. Il vaut mieux revenir au cas de Camille. Je vais convoquer la mère et lui demander adroitement comment elle explique les traces sur ses bras et les jambes de son enfant, dit Madame Kunz. Vous pensez qu'elle va avouer? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'elle avoue, mais qu'elle cesse de la battre. Elle va peut-être prendre peur et ça la fera réfléchir. À moins qu'elle ne se venge sur Camille, reprend Maxime. Écoutez, nous verrons bien. Il faudra être vigilant et se tenir mutuellement au courant des débordements éventuels. Maxime reprend sa pose favorite, les mains jointes, pour contempler cette femme qui l'attire de plus en plus. Il la regarde droit dans les yeux, semble réfléchir intensément. « Le malheur, c'est que ce n'est pas le plus grave, les coups de savate, » dit Maxime au bout d'un moment. « Il s'agit de vos relations réelles avec Camille, » insinue Marceline. Maxime devient rouge, son regard se durcit. Pensant que la femme est en train d'imaginer une relation un peu osée entre Camille et lui, il la foudroie du regard et siffle entre ses dents. « Comment pouvez-vous penser que... Oh non !» À vous. Maxime ne peut pas terminer sa phrase. Madame Kunz se sent tout à coup très mal à l'aise. Pardonnez-moi, dit-elle gênée. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je ne comprends pas. C'est tellement dur. C'est tellement grave. Je ne me sens pas bien, articule Maxime. Elle lui prend une main qu'il a posée à plat sur la table et la tape doucement. Elle craint le pire. Allez, remettez-vous et lâchez ce que vous avez sur le cœur. « Ce que je vais vous dire est très grave. Si ce que Camille me raconte n'est pas vrai, ça risque de nous compromettre tous et de nous envoyer dans les tribunaux. C'est extrêmement délicat. »« Allez-y, » murmure-t-elle, un peu soulagée. « Eh bien voilà. » Grand silence. Camille me dit que quelquefois sa mère l'oblige à coucher dans le lit de son père. Elle, la mère, elle va coucher dans le lit de Camille. Et la gamine ne dort pratiquement pas de la nuit. Son père la caresse et Camille se sauve dès qu'il devient trop entreprenant. Elle revient dans la chambre quand elle est sûre qu'il dort à point fermé. Sa vie ne peut pas continuer comme ça. Maxime a les yeux au bord des larmes. Madame Kunz est visiblement très émue. C'était donc ça. Elle aussi a les yeux humides et elle est toute pâle. C'est vrai, c'est grave, très grave. Je m'explique maintenant l'air préoccupé qu'a quelquefois Camille, pauvre gosse. Vous m'imaginez ? Allez casser la gueule au père. De quel droit? Vous venez vous occuper de nos affaires? C'est ça qu'il va me dire. Madame Kunz n'a pas lâché la main de Maxime et la lui serre plus fort. Il faut qu'on arrive à persuader Camille de témoigner. Je vais convoquer les deux parents. J'essaierai de les questionner pour savoir comment ça se passe à la maison, et j'observerai bien la tête qu'ils font. Mais sans témoignage de la gamine, on ne peut rien faire de légal. » Maxime la met en garde. « Attention, vous allez marcher en terrain miné, c'est dangereux. »« Ne vous inquiétez pas, Maxime, j'en ai vu d'autres. »« Si vous saviez les drames que l'on est quelquefois amené à découvrir quand on est maîtresse d'école. Par les enfants, on pénètre à l'intérieur des foyers, et on en apprend autant que le curé ou les gendarmes. » Elle lâche enfin la main du garçon et il en profite pour se lever, et lui sourit doucement. « Vous m'avez compris maintenant, » dit Maxime. « À qui vouliez-vous que je dise ça ?» Marceline baisse les yeux et continue à sourire. Elle aime le silence qui s'installe entre eux, et qui en dit plus que n'importe quelle parole. Finalement, Maxime se lance. On se revoit ? » murmure-t-il. « Bien sûr, quand vous voulez. Mais, motus et bouche cousue, méfions-nous du qu'en dira-t-on. » Maxime se dirige vers la porte sans qu'il se quitte du regard. « À bientôt, » dit Maxime. Elle hoche la tête en souriant et lui fait un petit signe de la main. Par-dessus la rampe, elle lui sourit encore lorsqu'il franchit la porte d'entrée.